Marc et son... Bonsoir, merci d'être là. Est-ce que ça marche? Oui. Oh, on peut s'en asseoir. J'essaie d'être un peu... Bonsoir, moi c'est Carole Vallière, elle c'est Michel Dagenais. Moi je vais vous aider à causer avec Michel Dagenais. Michel, tu m'entends pas, donc je vais m'asseoir. Michel est professeur titulaire en histoire à l'Université de Montréal et sa spécialité, c'est vraiment l'histoire urbaine au Québec et au Canada, mais assez surtout intéressé à l'histoire de Montréal qui se construit à travers l'environnement et la nature. Et comme par hasard, c'est très lié à Montréal, l'environnement et la nature. C'est lié à la fondation de Montréal, c'est lié au développement de Montréal, et c'est ça que Michel va nous expliquer. Ce qui m'a le plus intéressé dans ton livre, Michel, c'est que c'est vraiment une vision d'ensemble. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est important que nous, on est dans la culture de l'eau, puis on ne le sait pas. Moi, je ne savais pas qu'on était dans la culture de l'eau, mais je sais que j'en fais partie parce que j'ai le même attrait pour la réappropriation des berges dont tu parles dans ton livre que les gens qui militent pour la réappropriation des berges. Donc, ce soir, on va essayer de débusquer les mythes autour de Montréal. On serait une petite Venise cachée. Il y aurait des rivières sous Montréal. On serait la Venise insoupçonnée du Nord. Michel va nous en parler. Puis, on va essayer de voir aussi qu'est-ce qui pourrait changer, comment on pourrait changer. Mais d'abord, Michel. Oui, bonsoir. J'ai lu à la fin du livre que tu te promenais au cimetière du Mont-Royal, tu as vu un petit ruisseau, et c'est là que s'est concrétisé le projet du livre. Comment est-ce qu'un petit ruisseau concrétise un livre? Okay. Ça a été l'étincelle, dans le fond, d'une recherche que j'avais entamée déjà depuis plusieurs années, où je m'intéressais a priori au réseau d'eau, hein, le réseau d'approvisionnement en eau potable et les réseaux d'eau usée. Donc j'avais analysé ces dimensions plus techniques du rapport avec l'eau. Et c'est vrai qu'en me promenant comme ça avec mon conjoint François et en voyant ce ruisseau qui continue à couler, je me suis dit, il faut saisir les choses plus dans leur globalité. Hein. L'eau qui est dans les réseaux, c'est aussi l'eau qui ceinture l'île de Montréal. Et donc, c'est un peu comme ça que, effectivement, l'idée m'est venue d'avoir une vision beaucoup plus large des choses et de comprendre la transformation des rapports entre la ville et l'eau, donc le processus d'urbanisation qui se fait grâce aux cours d'eau, mais en même temps, les cours d'eau qui ceinturent l'île de Montréal et dans l'archipel aussi, qui se transforment du fait de l'urbanisation, du développement de la ville. Et je dirais aussi peut-être que l'autre idée ou l'autre projet, c'était de dire, ben dans le fond, Montréal est entouré d'eau. On parle beaucoup d'eau, mais on n'a jamais tenté de comprendre l'histoire de Montréal dans ses rapports avec l'eau. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à certaines dimensions économiques, des choses comme ça, mais jamais on s'est dit ben, qu'on pouvait saisir ou réinterpréter, éclairer l'histoire de Montréal en fonction de ses rapports avec l'eau. Et donc, c'est comme ça que... Le livre s'est construit. Mais on écrit aussi un livre pour participer à un débat public, et il y en a un autour de l'eau. Alors, quelle contribution voulais-tu amener quand tu as écrit le livre? Parce qu'il y a vraiment une vision d'ensemble dans ton livre. Hein? Alors, pourquoi vouloir participer au débat public? Ben parce que je pense que le débat public sur l'eau à Montréal se fait sans tenir compte justement de tous les développements historiques qui ont eu lieu. Hein. On pense souvent l'eau de manière isolée. Par exemple, on veut avoir un meilleur accès à l'eau sans réfléchir à l'eau d'une manière intégrée. En fait, je pense que cette notion-là est assez centrale dans le livre. C'est l'idée d'avoir une approche intégrée, c'est-à-dire de tenir compte de tous les usages et de toutes les fonctions de l'eau en même temps. Hein, les fonctions économiques, les fonctions de santé publique, de consommation, récréative également, etc., etc. Donc, dans le débat sur l'eau à Montréal, il y a aussi cette idée qu'on aurait tourné le dos au fleuve et le dos à l'eau, alors que dans le fond, c'est une dimension qui est centrale dans la vie quotidienne, mais il s'agit de comprendre quelles sont les caractéristiques de cette dimension-là aujourd'hui et comment les arrangements qui sont les nôtres ont été décidés, élaborés, en fonction de quelles questions, pour répondre à quels problèmes et des choses comme ça. Bon, alors entrons dans le vif du sujet, parce que c'est une historienne et c'est un livre d'histoire. Donc, l'histoire de Montréal dans le livre commence dans les années 1800. C'est quel genre de développement pour Montréal lié à l'eau? En fait, il m'est venu l'idée que, bon, quand est-ce commencer un livre comme ça? Hein? Dans le fond, j'aurais pu commencer depuis les origines de Montréal, depuis la fondation de Montréal, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Mais en réalité, il n'y avait pas nécessairement de logique à commencer en 1642, par exemple, ou même bien avant cela. En fait, j'ai trouvé qu'il y a un moment clé dans l'histoire des rapports entre la ville et l'eau. C'est celui du moment où on envisage de démolir l'enceinte, les fortifications, donc qui entouraient Montréal. C'est un projet qui naît à la fin du 18e siècle et qu'on va vraiment mettre en branle dans les premières années du 19e siècle. Et il me semble qu'à partir du moment où on pense désenclaver Montréal, qui était enserré dans ses fortifications et empêché dans son développement, il y a une réflexion qui se développe sur l'idée, dans le fond, d'améliorer la circulation. Donc, à cette époque-là, il y avait plein de petits ruisseaux, effectivement, qui coulaient dans la ville de Montréal et dont on rêve encore aujourd'hui. On se dit, ah, si on pouvait retrouver ces magnifiques petits ruisseaux, oui, qui, en fait, étaient plutôt des égouts à ciel ouvert, hein, parce qu'on jetait nos déchets dans ces petits ruisseaux, qui étaient des problèmes au niveau de la qualité de la vie assez terribles, hein, qui dégageaient des mauvaises odeurs, etc. Mais aussi, ces ruisseaux empêchaient la circulation. Hein, c'était difficile de circuler à Montréal. Il y avait parfois des petits ponts qui les permettaient de les franchir. Mais en décloisonnant Montréal, donc, on réfléchit aussi à la nécessité de faciliter la circulation dans la ville et de la ville vers la région, vers le continent. Et là, il y a un effort de réflexion sur tous ces ruisseaux qui sont parfois canalisés, que l'on veut recouvrir pour faciliter cette circulation et qui deviennent aussi des problèmes parce qu'il s'agit d'égouts à ciel ouvert. Donc, on voit vraiment dans les archives, dans les sources, cette réflexion sur l'eau qui s'amorce à ce moment-là. On est en quelle année? On est au début du 19e siècle, essentiellement. Ah, quand même, hein? Ouais, ouais. Dans les années, avec la démolition de l'enceinte autour de Montréal, c'est dans les premières années, 1801 à 1803, 1804. Les années précises, c'est pas ma grande force pour une historienne, mais c'est à peu près ça. Non, mais ça donne une idée, hein? On est à la fin du 18e, début du 19e, on a détruit les fortifications, le port. Le port s'inscrit comment? Parce que c'est une voie d'eau et les choses arrivent par l'eau. Oui. Alors, bon, le port de Montréal, en fait, à ce moment-là, c'est vraiment un tout petit port qui, d'ailleurs, il faut savoir que la profondeur de l'eau sur les rives de Montréal, elle est très peu importante. Et donc, on a un semblant de port, si on veut, au début du 19e siècle, mais effectivement, il y a une préoccupation aussi d'améliorer les capacités d'accostage, de développer les quais et ces choses-là autour de Montréal. Donc, on peut dire que ce qui va permettre vraiment de développer le port de Montréal, c'est le fait aussi de permettre aux bateaux de venir jusqu'à Montréal sans devoir s'arrêter à Québec, qui était, oui, le port d'entrée, hein, le port officiel où tous les bateaux devaient s'arrêter pour pouvoir ensuite poursuivre leur chemin et remonter le Saint-Laurent, pardon. Et donc, en 1830, on va permettre à Montréal de devenir un port d'entrée. Et ça va donner comme une sorte d'élan suffisant pour ramasser les capitaux, commencer à faire les travaux. Mais avant d'installer le port, il va y avoir plein de travaux qui doivent être faits, de creusage, d'installation de quais, etc. L'histoire du port de Montréal est une longue histoire, mais disons que, effectivement, dans ce contexte-là, il y a une volonté de désenclaver Montréal aussi pour permettre l'accostage des bateaux et un transport plus systématique des marchandises. Parce que le port va être lié au développement économique. De Montréal, absolument. Oui. Au 19e siècle, c'est vraiment... En fait, l'histoire de Montréal, je pense que plusieurs le savent, hein, dans le fond, c'est la fonction de transbordement, hein, qui est à l'origine de Montréal. C'est que pour permettre le transport des marchandises de l'Atlantique vers l'intérieur du pays, il fallait que transborder ces marchandises parce qu'il y a les rapides de Sainte-Marie, les rapides de la Chine qui obligeaient à changer d'embarcation. Donc, Montréal est né de cette fonction de transbordement des marchandises d'un mode de transport vers un autre mode de transport, les marchandises venant de l'extérieur ou de l'intérieur qui circulaient en sens inverse. Alors donc, cette idée-là de désenclaver Montréal, elle est au cœur de l'histoire économique de Montréal aussi. Alors, sur le plan politique, il y a des moyens qui émergent dans les années 1830. Ensuite, sur le plan, je dirais, économique et technique aussi, il va y avoir de certains nombres de développements qui vont favoriser l'installation et de quais le long des rives du Saint-Laurent vis-à-vis Montréal. Mais l'histoire du port, donc, va être centrale dans le développement économique, mais c'est vraiment à partir de la fin du 19e siècle que là, le port prend une beaucoup plus grande importance parce que le commerce international des céréales ici devient beaucoup plus important, parce qu'on a plus de moyens aussi. Hein, une période 1850-1890 environ, où le port, en fait, est un port un petit peu... et ça, ça a été une grande découverte de ma recherche. Le port est un peu un port, je pourrais dire, un peu triste, dans le sens où c'est des installations temporaires qui doivent être démantelées à chaque hiver, parce qu'il s'agit de quais en bois qui sont détruits par les courants, par l'eau, etc., etc. Et c'est seulement dans les années 1890 qu'on réunit suffisamment de capitaux, qu'on a aussi suffisamment de moyens techniques pour vraiment entreprendre la construction du port de Montréal tel qu'on la connaît. Et c'est parce qu'on est aussi dans une période de grande expansion de la vie économique. Oui, parce que comme toutes les îles, comme toutes les villes où le port est important, le port joue un rôle important dans le développement économique. C'est lui qui a été au cœur, c'est lui qui a, en fait, qui a masqué notre accès à l'eau, mais c'est grâce à lui aussi qu'on participait au monde. Oui, c'est vrai, il y a cette fonction-là, et d'ailleurs, c'est à partir du moment, dans le fond, où cette fonction centrale du port dans l'histoire de Montréal et dans son économie s'estompe, qu'on va commencer à critiquer la présence du port. Hein. Oui. Alors, de fait, disons que le port a une fonction centrale dans l'économie montréalaise, disons jusque, grosso modo, à la Deuxième Guerre mondiale. Okay? Après la Deuxième Guerre mondiale, on va construire, aménager la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, quand on parle de Montréal, on le voit depuis le début, on ne reste jamais tout à fait qu'à Montréal parce que l'eau nous amène partout. C'est aussi ça, une vision environnementale. Oui, oui, oui, oui. Mais quoi qu'il en soit, donc, construction de la voie maritime, qui va faire quoi? Cette voie maritime, elle va faire en sorte que le rôle de Montréal comme arrêt obligatoire du commerce international s'estompe du même coup, puisque les grands navires transatlantiques peuvent passer outre Montréal et rejoindre la mer intérieure qui constitue les grands lacs. Donc, il y a une importance moindre du port de Montréal dans l'économie locale et l'économie nationale. Et ça correspond aussi à un développement du port de Montréal vers l'Est. Hein? De plus en plus, on avait commencé déjà à développer le port de Montréal vers l'Est, mais on le développe encore davantage, ce qui va faire en sorte que les installations portuaires vont occuper une portion de la rive de plus en plus grande, une portion de la rive de l'île de Montréal de plus en plus grande, et donc vont couper effectivement l'accès direct au fleuve. Bon, c'est une longue réponse parce que c'est une question extrêmement complexe. Alors, il y a ce déplacement des activités du port donc qui coupe un peu cet accès au fleuve vers l'est de Montréal, alors que vers l'ouest, ça faisait déjà un certain temps que c'était réalisé, de même qu'au centre. Mais ce qui va se produire aussi, c'est que on va assister donc à une diminution de l'importance du port dans la vie quotidienne des Montréalais. Hein. Les Montréalais ne voient plus toute cette activité du port qui animait leur existence. Et d'un autre côté aussi, il y a une diminution de l'importance du transport maritime et éventuellement, le destin de Montréal commence à tourner. Hein, et la ville est beaucoup moins importante sur le plan économique. Et donc, il y a un déclin de l'activité économique de Montréal et éventuellement une désindustrialisation. Donc, il y a une combinaison de facteurs ici qui fait en sorte que le port qui, jusqu'aux années 40-50, était vraiment un des fleurons de l'économie montréalaise et aussi, même sur un plan symbolique, avait un rôle très important, perd de cette importance sur le plan économique et donc va de plus en plus être vu comme un problème mais qui en même temps, dérange. Puis en même temps, conjoncturellement, arrive cette vogue écologiste. Arrivent les enjeux environnementaux, arrivent les gens qui disent aux salles, réapproprier le fleuve, se baigner dans le Saint-Laurent. Ça arrive presque ensemble. C'est vrai. En fait, la vague écologiste, nos premiers écologistes, si on peut les appeler ainsi, bon, il y en a déjà à la fin du 19e siècle, mais disons ceux qui nous parlent le plus aujourd'hui en termes de pollution de l'eau, de dégradation des milieux naturels, etc., ce sont des pêcheurs et des chasseurs. Dans les années 1940, il commence à se développer des préoccupations pour la dégradation que l'on voit de l'eau qui ceinture Montréal. Alors, il y a une revue qui s'appelle La vie au grand air où les pêcheurs et les chasseurs vont déplorer le fait qu'il y a moins de poissons dans l'eau, que la qualité de l'eau diminue, etc., etc. C'est donc un endroit où on pêchait beaucoup? Oui, on pêche encore d'ailleurs, mais on n'a jamais vraiment arrêté de pêcher. C'est ça qui est assez fascinant. Mais à l'époque, dans les années 40, donc? C'est-à-dire que c'est une période où la pêche sportive se développe. Les années 40-50, c'est vraiment une période de développement de la pêche sportive, donc des amateurs de pêche qui se développent en nombre important. Alors, toujours est-il que nos pêcheurs et nos chasseurs vont, dans le fond, sonner une certaine clochette d'alarme parce qu'ils sont préoccupés par la qualité de l'eau pour exercer leur loisir. Donc, c'est des préoccupations de loisir et de qualité de la ressource halieutique qui les anime. Et ces pêcheurs et ces chasseurs vont engager des scientifiques, former la Ligue anti-pollution, que peut-être certaines personnes connaissent ici, qui vont, eux, ces scientifiques-là, commencer à regarder la composition de l'eau, son état, et relever le fait de la présence de substances polluantes importantes. Parce que, d'une certaine façon, ces substances-là, elles sont plus importantes après la Deuxième Guerre mondiale et la poussée d'industrialisation qui se produit, mais parce qu'on se soucie désormais de la qualité de l'eau à des fins récréatives, ce qui nous dérangeait peu dans les années 1900, 1910, 1920. Donc, c'est les pêcheurs, les chasseurs qui, les premiers, sonnent la clochette d'alarme et qui vont, dans le fond, nourrir un mouvement, donc d'inquiétude à l'égard de la qualité des eaux qui ceinturent Montréal. Donc, on a ça. Carole a bien raison de me le ramener ici. Alors, on a une conjonction d'événements ici. On a parlé du port, de son déplacement. On a parlé d'une l'économie montréalaise et s'essouffle. Et en plus, on peut ajouter à ça la désindustrialisation qui va commencer dans les années 1970. Donc, des facteurs sur le plan de la circulation, sur le plan de l'économie. S'ajoute à ça une préoccupation nouvelle pour l'eau en lien avec des activités récréatives. Donc, ce qui fait en sorte que ça s'additionne tout ça. À partir du moment où le port n'est plus le moteur de l'économie et qu'en même temps, il y a plus de chômage, désindustrialisation, développement des loisirs, eh bien, il va y avoir un discours qui se développe à l'effet que l'eau autour de Montréal est polluée. Il faut trouver moyen d'améliorer les choses. Ce à quoi les édiles municipales répondent. Les édiles, en fait, il y a peut-être un autre facteur que je vais... Mais c'est un peu le nœud aussi de l'ouvrage, et c'est un peu compliqué, parce qu'il faudrait quand même que je rajoute encore un autre élément. Qui est? C'est le fait qu'aussi, j'ai parlé des pêcheurs et des chasseurs, mais en réalité, il n'y a pas que les pêcheurs et les chasseurs. Il y a plein de gens dans la région de Montréal qui veulent profiter de l'eau, parce que l'après Deuxième Guerre mondiale, les années 50-60, c'est le développement de la société des loisirs. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on constate? Montréal explose. C'est vraiment la période où Montréal explose. Le développement urbain se fait désormais en dehors du centre de Montréal, se fait le long des rives de l'île de Montréal, le long des rives de l'île de Laval, de l'île Bizarre, donc dans l'archipel. Alors, il y a un développement urbain très important qui se fait. C'est la grosse poussée de développement suburbain avec la voiture, les ponts, etc., etc. Donc, on a nos facteurs dont je viens de parler. Et on a ce désir du rivage, dans le fond, ce désir d'activité en rive. Or, la suburbanisation, le développement effréné donc de l'urbanisation sur les rives, fait en sorte que toutes les rives, ou une grande partie des rives autour de Montréal, sont occupées. on n'a plus accès à l'eau. Donc, naît un mouvement qui s'appelle un fleuve, un parc, qui s'additionne toujours à nos chasseurs et nos pêcheurs qui vont demander, ces militants-là, d'avoir un accès aux rives, de déprivatiser les rives. Il y a même un grand projet de parc riverain de Montréal à Sorel qu'on souhaiterait implanter. Donc, on a, si on veut, dans cette volonté d'appropriation des rives, différentes générations d'acteurs. Et la réponse des autorités publiques, quelle est-elle, dans le fond? Hein? L'eau, c'est compliqué, ça nous amène à faire plein de liens, mais la gestion de l'eau est compliquée aussi, en réalité. Elle relève de plusieurs niveaux de gouvernement. Exactement, ouais. Des municipalités, du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral. Donc, beaucoup d'instances, on le sait, qui gèrent l'eau. D'ailleurs, quand on parle de l'eau dans les journaux, on le voit bien, que ça fait intervenir différentes instances. Donc, la question de la pollution de l'eau, en fait, elle va vraiment être, si on veut, être posée et débattue au niveau provincial plus qu'au niveau municipal, parce que, hormis les rives autour de Montréal, il reste que la région relève aussi du gouvernement provincial. Alors, une histoire comme la plage dorée, c'est du mascara, c'est quelque chose qu'on maquille, c'est cosmétique? La plage dorée arrive un petit peu plus tard. Je pense que je reviendrai juste, parce que si la plage dorée existe, c'est qu'on a on a commencé à restreindre, disons, les rejets polluants dans l'eau. On est en quelle année? On est dans les années 70, je dirais. On est dans les années 70, et ce qui se produit, c'est qu'il n'y a pas juste à Montréal que de la pollution de l'eau, il y en a aussi partout ailleurs. Il y a des pressions de plus en plus importantes, et le gouvernement provincial va commencer à prendre des mesures pour obliger, par exemple, à traiter les rejets d'eau d'égouts, les rejets d'eau industriels. Et donc, il y a certaines mesures qui sont prises qui vont commencer à, si on veut, ralentir le processus de pollution de l'eau, notamment autour de Montréal. Et ce qui va aider aussi la plage dorée à pouvoir devenir une réalité, c'est cette fameuse désindustrialisation qui fait qu'on pollue moins l'eau autour de Montréal depuis le ralentissement de l'activité économique. Donc, l'intervention des pouvoirs publics est importante au niveau provincial, parce qu'au niveau municipal, Montréal ne pouvait pas gérer cette question de l'eau à son échelle seule. Le provincial s'en mêle, le gouvernement fédéral aussi, mais je ne veux pas nécessairement rentrer dans ces questions de gestion des eaux. On pourra peut-être y revenir au moment de la période des questions. Restons un instant sur la pollution, parce que j'ai appris là-dedans, que dans le livre « Montréal et l'eau, une histoire environnementale », que nous polluons allègrement les gens autour de nous. On est là, nous, à faire des efforts de dépollution de notre côté, on se fait des plages, mais pendant ce temps-là, Sorel crie. Au secours, vous nous polluez. Et nos îles à nous sont rendues des poubelles. Alors, nous polluons. Oui, bien ça, ça fait partie tant de l'histoire de l'humanité. Hein. L'eau a toujours été le lieu favori pour se débarrasser de ses déchets. Ça, c'est quand même extraordinaire. L'eau, c'est une poubelle. L'eau, c'est une poubelle, ça a toujours été une poubelle. On n'est pas pire ni mieux qu'on l'était il y a 200 ans, disons, hein, sur ce plan-là. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, c'est le problème et la solution, ou la solution et le problème. La pollution de l'eau est née à une grande échelle du fait qu'on a eu accès à de plus en plus d'eau. Hein. Plus on consomme de l'eau, plus on pollue l'eau. Parce que c'est par le biais de l'eau dont on se défait de nos déchets. Alors, effectivement, il faut aussi tenir compte du courant de l'eau. Hein? On pollue à un endroit, on se déleste donc de nos déchets à un endroit, mais l'eau entraîne ces déchets-là ailleurs. Donc, on peut dire que le rapport avec l'eau engendre des tensions. Parce que souvent, on pollue, là où on pollue, en fait, les effets de notre pollution sont transférés chez notre voisin. Et on ne le voit pas. Et on ne le voit pas. À Montréal, ce qui est intéressant, c'est que, de fait, on pollue donc de l'ouest vers l'est, si on veut, hein, on pollue de l'amont vers l'aval, et de fait, la pollution, les populations qui ont été les plus affectées par la pollution liée au rejet d'eau usée, ben, ça a été les populations de l'est avant les populations de l'ouest. Et il se trouve que les populations les plus favorisées étaient à l'ouest, plutôt qu'à l'est. Alors, il y a un terme en histoire environnementale pour traiter de cela, c'est le terme des inégalités environnementales. Hein? C'est quand des facteurs, dans le fond, techniques renforcent des inégalités, ou des facteurs environnementaux renforcent des inégalités sociales, et les deux combinés, donc, font en sorte de créer des inégalités ou de conditions et d'existence de vie. Alors, nous, on pollue effectivement Sorel, les villes qui sont en amont de Montréal, ben, nous polluent aussi. Donc, la question de la pollution, elle est sans fin. En fait, il faudrait pouvoir en traiter à l'échelle du bassin des Grands Lacs, puisque c'est le même régime hydrographique. Cette question-là, Michel, est quand même importante dans le livre, parce qu'on parle et on répète et on le redit, tu dis ça souvent, il ne faut pas avoir une vision limitée de l'eau. On a eu tendance à avoir une vision technique de l'eau. On va canaliser, on va faire des grands aqueducs, on a technicisé l'eau, alors qu'il y a des enjeux dont qu'on n'a pas pris en compte, en fait. Et ta grande question, c'est l'intégration. L'intégration, on voit que c'est complexe, l'intégration de tous les éléments. Pourquoi est-ce que c'est si important, cette intégration-là? Même si c'est une question de pollution, on peut dépolluer ici, on peut dépolluer là, on peut dépolluer là, chacun dans notre coin. Pourquoi cette notion d'intégration est-elle si importante à tes yeux? Alors, c'est une question à deux volets ici. Hein. Il y a des aspects techniques, je pense, qui seraient intéressants de relever. Puis ensuite, effectivement, pourquoi c'est si important? Et c'est que ce qu'il faut voir, c'est la façon dont notre rapport à l'eau a toujours été établi, où les problèmes que nous posait l'eau ont toujours reçu des réponses de l'ordre des moyens techniques. À chaque problème d'eau, il est question d'inondation dans le livre, par exemple, il est question la salubrité de l'eau de consommation, hein, de la potabilité de l'eau, il est question des égouts, il est question du port, etc., etc. Donc, pour gérer l'eau, on a toujours eu recours à des moyens techniques. Morceau par morceau. Morceau par morceau. Et à chaque fois, dans le fond, qu'on trouve une solution technique, on a l'impression qu'on a réglé le problème de l'eau une fois pour toutes. Or, en réalité, l'eau, c'est vivant, l'eau, ça bouge, et donc, il y a toujours des nouveaux problèmes qui surgissent. La question des inondations à Montréal est un problème séculaire, multiséculaire et récurrent. Hein? On pourra peut-être y revenir plus en détail. Donc, il y a cet aspect-là des choses qui est important. Et donc, si on ne tient compte que des aspects techniques, on ne comprend qu'une partie du problème, parce qu'il y a aussi les usages qu'on en fait, et pourquoi on a recours à des moyens techniques pour régler les problèmes de l'eau. C'est qu'on a une relation qui est particulière aussi avec l'eau, l'idée de vouloir, dans le fond, maîtriser l'eau, hein, de contrôler l'eau et de l'adapter à nos besoins humains. Alors, ce besoin d'ajustement, d'adaptation de l'eau, en fait, il est là depuis très, très longtemps. Plus les moyens techniques sont élaborés et plus, donc, les capacités d'intervenir sont grandes et plus l'illusion qu'on peut contrôler la situation est grande. Les catastrophes naturelles qui traversent notre monde nous le rappellent, hein, même hors de l'échelle de Montréal. Donc, il y a ici quelque chose d'un peu particulier, cette idée que la nature est perfectible et que l'eau est perfectible, que le Saint-Laurent, par exemple, a ses défauts, mais qu'il a des mérites dont il faut pouvoir tenir compte. Aujourd'hui, on a l'impression, dans le débat public sur l'eau, et c'est vrai que c'est un des aspects qui est assez central pour moi, que d'une certaine façon, on pourrait rétablir un rapport avec l'eau qui serait totalement respectueux de l'eau, etc., etc., comme si on pouvait penser les humains, ou l'eau plutôt, en dehors des humains. Or, c'est toujours deux dimensions qui sont liées. Hein? L'humain et l'eau vont ensemble. C'est deux aspects qui sont liés et qu'il faut penser ensemble parce que l'eau dont on parle, en fait, c'est une eau qui a été transformée, qui a été urbanisée, comme la ville a été transformée par l'usage de l'eau. Donc, penser les problèmes de l'eau, la redéfinition des relations avec l'eau ne peut pas se faire en dehors des considérations sociales, parce que les deux sont imbriqués, les deux sont liés. Hein? Donc, c'est vraiment ça. Montréal et l'eau, c'est l'idée de montrer ces imbrications, ces arrangements et ces aménagements multiples. Je pense que ça, c'est effectivement un élément important du livre. Nous parlerais-tu du projet Archipel? Parce que c'est un projet qui voulait intégrer les différents aspects de l'eau autour des gens, autour de l'usage qu'on en fait, et ça a fait patate. Oui. Alors, le projet Archipel arrive dans les années 1980. On avait ce projet d'un fleuve, un parc, qui voulait donc redonner l'accès aux rives à la population. C'est un projet qui, en fait, qui n'a pas jamais vraiment pris forme, mais qui nourrit, qui alimente la réflexion sur de nouveaux rapports avec l'eau dans la région montréalaise qui sont orientés vers cette idée des loisirs, puisque les fonctions économiques sont moins importantes. Alors arrive Archipel, qui est un grand projet d'aménagement typique des années 1980, où là, on est confronté justement à tous ces usages de l'eau qui posent problème. On a la pollution de l'eau, on a la question des inondations qui prend une importance plus grande, consécutive à cette vague de grande urbanisation des rives de l'île de Montréal et des autres îles. On a construit en rive dans des périodes, il faut le dire, où il y avait une baisse du régime des eaux. On était dans une période d'étiage où le niveau des eaux était inférieur et qui a encouragé ce désir de construction en rive. Toujours est-il qu'on a le problème de pollution, on a le problème des inondations aussi qu'il faut régler et on a les revendications d'un meilleur accès à l'eau. Donc, naît le projet Archipel comme une sorte de projet définitif qu'on souhaiterait définitif pour régler ces trois problèmes-là ensemble. Et on pourrait dire aussi cette question de l'eau, de la qualité de l'eau de consommation qui devient de plus en plus problématique. Alors, il y a un grand schéma d'aménagement qui va être mis en place, qui souhaite régler tous ces problèmes-là, mais qui va lui-même mettre sur la table un schéma qui redessine une grande partie des rives, qui redessine une partie des cours d'eau, avec l'idée, dans le fond, qu'on pourrait tirer le meilleur profit de tout en établissant des barrages, en essayant de contrôler les inondations, en essayant d'aménager des rives pour des plages et des choses comme ça, mais ça se chiffre à des sommes astronomiques. Et l'autre problème, c'est que gérer les eaux, comme je l'ai dit tantôt, soulève aussi la question des juridictions, si voilà. On peut dire les choses ainsi. C'est-à-dire que c'est bien beau, il y a la question de l'eau à Montréal, mais il y a aussi les autres composantes de l'archipel montréalais, les autres municipalités, et donc comment s'entendre avec toutes ces municipalités pour penser un plan de gestion des eaux à l'échelle régionale. Ça tient de la quadrature du cercle, dans le fond, et même s'il y avait des intentions intéressantes, les problèmes étaient plus nombreux que les solutions. Mais ça a révélé quand même la complexité du problème de l'eau autour de Montréal, et ça nourrit une réflexion de ton livre. Oui, mais j'ai l'impression qu'on l'a perdu un peu. C'est oui, ça qui est assez étonnant. Je trouve qu'à l'époque d'Archipel, par exemple, à l'époque même des pêcheurs et des chasseurs, on commence à réfléchir à l'idée qu'il faut penser l'eau dans toutes ses fonctions en même temps. Archipel a cette vision intégrée de l'eau autour de Montréal et on l'a perdue à un moment donné. On la perd et aujourd'hui, dans le débat public de demande de réappropriation de l'eau, des berges à Montréal et ces choses-là, on demande des plages, par exemple, on demande des parcs, mais en même temps, on ne se soucie pas ou en tout cas, on ne pose pas en même temps cette question de notre rapport à l'eau, de notre consommation de l'eau, des problèmes d'inondation, des problèmes du vieillissement des infrastructures. Alors, à mon avis, il faut penser toutes ces choses-là en même temps. C'est qu'on pose ces problèmes-là, mais on les pose toujours en pièces détachées. Exactement. Et tu penses qu'il faut les poser. On n'a pas de solution de pièces détachées. Ça ne règle pas le problème. Ça règle la solution détachée du problème détaché. Mais ça ne fait pas une intégration de tous les problèmes. Et finalement, on revient au problème parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. On a une petite solution de bout d'ongle, on n'a pas le doigt, on n'a pas le bras. Et effectivement, on peut juste donner par exemple l'illustrer cette question-là avec la question de la pollution de l'eau de l'eau de consommation, de l'eau potable. Il y a eu différents stades de traitement de l'eau que l'on boit pour justement la rendre potable, pour la rendre acceptable sur le plan de la consommation humaine. Or, on a complexifier le traitement de l'eau potable. On a tenté aussi de traiter les eaux usées parce qu'à un moment donné, même si on traitait l'eau potable, les eaux usées étaient telles que ça commençait à déranger la qualité de l'eau de consommation. Alors, il y a comme une forme d'escalade d'une certaine façon et dans la question de l'eau de consommation aujourd'hui, on se retrouve avec des nouveaux problèmes. Même si on traite l'eau que l'on boit, même si on traite en partie les eaux usées de Montréal avant de les rejeter dans le fleuve Saint-Laurent, il y a des nouvelles substances polluantes qui sont arrivées. Par exemple, des médicaments. Les médicaments. Voilà. Alors, la nouvelle technique pour résoudre ce problème, c'est par un traitement à l'ozone. Et la municipalité de Montréal a reçu une subvention dans le cadre des programmes d'infrastructure pour installer cette usine de traitement de l'eau par l'ozone pour essayer de décontaminer davantage les rejets polluants. Mais reste que les médicaments qui sont dans l'eau et qui sont rejetés dans l'eau ne sont pas nécessairement détruits par cela. Donc on voit que... Mais encore une fois, Michel, on répond à un problème par une solution technique, alors qu'il faudrait regarder plus dans l'ensemble pour trouver la vraie solution au problème. Est-ce que la vraie solution existe? C'est la question. Est-ce que le fait de penser aussi, c'est-à-dire que oui, on ne peut pas juste penser par des moyens techniques parce que chacun des moyens techniques arrive à sa limite à un moment donné, mais est-ce qu'on peut penser les choses comme... de façon définitive? Est-ce qu'il ne faut pas repenser les rapports à l'eau comme un ajustement constant? L'eau est un élément vivant, l'eau se transforme, nous on se transforme aussi dans nos rapports avec l'eau, et de toujours penser qu'on arrive à une solution définitive mène d'une certaine façon à un cul-de-sac. Quelle est la solution? Je ne sais pas, mais l'idée, c'est dans le livre, c'est de remonter en amont des arrangements qui sont les nôtres, de comprendre dans quel contexte on a adopté ces arrangements-là, dans quel contexte on a défini nos réseaux d'eau, comprendre les raisons qui nous ont poussé là, les objectifs qu'on avait, la conception qu'on avait de l'eau à une certaine époque, pour comprendre aujourd'hui là où on en est, en essayant de repenser les choses aussi en fonction de ce qui existe, et pas en imaginant qu'on puisse effacer ce qui existe pour imaginer de nouveaux rapports qui ne seraient pas là. Donc, c'est vraiment de donner des outils, des éléments d'information pour saisir les processus décisionnels qui ont lieu dans le passé et qui font en sorte qu'on se retrouve là où on se retrouve présentement, parce que c'est des éléments qu'on n'avait pas nécessairement réunis encore, je pense, dans un même ouvrage. Tu dis aussi que les groupes environnementalistes, aussi bien que les municipalités, sont dans la même logique de débat. D'une certaine façon, oui, parce que même si en réalité on veut améliorer les choses, le discours est à l'effet que il faut se réapproprier l'eau, il faut développer les accès à l'eau, absolument, mais on délaisse en même temps les autres problèmes qui sont liés à l'eau et qui sont font partie de notre réalité. Et de fait, la ville de Montréal a mis en place un programme dans les années 2006-2007 qu'elle met une orientation plutôt général qui s'appelle « Vers une culture de l'eau », donc cette idée d'un rapport enchanté avec l'eau, avec nos rives, avec la richesse hydrique de Montréal. Pourquoi enchanté? Ben parce que, dans le fond, justement, il ne s'agit pas d'imaginer installer une plage sur le bord d'une des rives de l'île de Montréal pour régler la question de l'eau, parce que il se produit toutes sortes de problèmes, encore une fois, d'inondations, de baisse des niveaux d'eau aussi. On a eu ces problèmes-là de baisse des niveaux d'eau dans la rivière des Mille-Îles qui étaient très inquiétants. Donc, on ne peut pas juste planter son parasol sur une rive et penser qu'on a réglé ou on s'est réapproprié l'eau. Je pense que se réapproprier l'eau, ça veut dire aussi saisir toutes ces relations-là qui sont les nôtres dans la vie de tous les jours. Comment, et je vais ouvrir la question à tout le monde après, mais je voudrais ta réponse avant. S'il faut transformer nos rapports à l'eau, moi j'avoue avoir une culture de l'eau, moi j'avoue adopter ça, franchement. Quand il y a des amis qui viennent de l'étranger, j'aime bien aller leur montrer le lac Saint-Louis. Je vais amener mon enfant à la plage Oka. J'aime avoir accès à l'eau. Je fais donc partie de la culture que tu dénonces. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est masque, qu'il ne faut pas avoir envie des rives. Et de toute façon, il faut quand même souligner le fait que depuis une vingtaine d'années, on a ouvert plein de fenêtres sur le fleuve. Hein? Tu n'es pas contre ça? Pas du tout. Je suis bien d'accord avec tout ça. Et donc, on peut profiter beaucoup plus de l'eau à Montréal qu'on ne pouvait il y a quelques années. On a des plages autour de Montréal dont on peut profiter aussi. C'est simplement l'idée qu'on pense toujours qu'il faut protéger l'eau et sans tenir compte des usages des humains, hein, de notre rapport avec l'eau. Et c'est dans ce sens-là, je crois qu'il y a une vision un peu enchantée, comme s'il y avait une eau à protéger, sans tenir compte du fait qu'on a besoin de l'eau pour vivre. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'il n'y a personne qui veut se passer de ces commodités et du robinet que l'on ouvre une centaine de fois par jour pour avoir accès à l'eau. Donc c'est cette question-là, dans le fond, je crois, où la façon dont les choses sont posées qui est problématique. Se réapproprier ou avoir plus d'accès à l'eau, c'est formidable, mais on doit le penser dans les autres rapports ou les autres relations qu'on a avec l'eau. C'est plus de mettre les choses ensemble que de penser qu'il y a d'un côté de l'eau à protéger et de l'autre côté des mauvais humains qui polluent l'eau, alors que dans le fond, c'est beaucoup plus une question de relations. Les deux font partie du même environnement. On est donc en symbiose, l'eau et nous. C'est un terme que j'aime plus ou moins, mais enfin. Alors vous, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous faites partie de la culture de l'eau? Est-ce que vous voulez qu'on ait des rives à Montréal accessibles? Ou aimeriez-vous mieux qu'on soit plus états-unisien, avoir des plages privées? Qu'est-ce qui vous a conduit à venir entendre une causerie sur l'eau et l'environnement de Montréal? Qui va se lancer en premier? Oui. Voulez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Écoutez. Moi, c'est parce que c'est de percevoir que la ville de Montréal n'a pas permis l'accès à l'eau depuis une trentaine d'années, depuis qu'on est dans une culture de l'eau. Si on regarde qu'il n'y a même pas sur la rive nord de la station Montréal-Est, il n'y a même pas d'endroit où on peut louer des kayaks pour se promener sur la rivière. Et ça a tout été privatisé. Et si on regarde au sud, la partie, par exemple, comme à l'ouest, si on regarde entre Verdun et la qualité d'aménagement qu'il y a à Verdun, depuis l'ensemble du sud-ouest, avec Ville-la-Salle jusqu'à la Chine, quand tu arrives à Montréal, c'est que tout est bloqué. Puis on nous promet dans le cadre de réaménagement de l'autoroute Bonaventure dans 25 ans, quand le centre-ville sera rendu le long de son fleuve, l'accès à la rive. Mais tu fais juste te promener en dessous du viaduc l'autoroute 15, et ouais. Tu vois Verdun où c'est déjà tout aménagé, puis tu vas à Montréal et c'est des investissements de quelques millions que Montréal suspend à la fin d'un grand aménagement de plusieurs milliards de dollars. Et moi, ce que je perçois, c'est que la ville de Montréal n'a pas, dans son administration, une culture qui veut réaliser des projets de type d'accès à l'eau. Elle le fait peut-être dans le parc des îles, mais quand c'est vraiment pour des enjeux de proximité des quartiers, et je pense que le grand défi, ce serait comme par exemple, je termine en qu'en faire, comme là, l'arrondissement Ville-Marie tient à réaliser un programme particulier d'urbanisme pour le quartier Sainte-Marie, qui est donc à l'est du bon jeune quartier, qui est un vieux quartier portuaire de débardeur. Et la présentation du projet, c'est dire qu'il n'y a pas de fleuve, que c'est un port, donc c'est une ville mécanisée avec une autoroute qui est promise. Donc, Michel, on a un quartier avec un programme de développement où il n'y a pas de fleuve, n'y a pas d'accès à l'eau, puis c'est une planification pour 25 ans, à proximité du centre-ville. Merci. Michel, c'est vraiment que si on n'a pas accès à l'eau, on ne peut pas comprendre la dynamique et le rapport avec l'eau, si tu n'aimes pas le mot symbiose, c'est le rapport dynamique ou dialectique qu'on peut avoir avec l'eau. L'eau est vivante, on est vivant. Si on ne voit pas l'eau, on n'a pas conscience de notre insularité. On n'a pas conscience de notre insularité si on ne se promène pas sur l'île de Montréal, en fait. Hein? Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a une portion importante vis-à-vis du centre-ville qui n'est pas accessible. Ben, c'est l'histoire de Montréal, c'est son passé industriel, ce sont ses installations portuaires qui sont là. Et il y a quand même encore une fonction économique centrale au port de Montréal qui s'est développée dans l'Est. Alors effectivement, les accès sont beaucoup moins importants de ce côté-là. Mais si on se promène un petit peu plus au-delà du centre, il y en a des accès. On prend sa bicyclette, on prend le métro. Il y a eu des parcs qui ont été développés en rive, mais je ne veux pas non plus me faire le défenseur de l'administration municipale de Montréal, et c'est sûr qu'il y a des améliorations ou des projets qu'on pourrait développer. Mais Verdun est une banlieue résidentielle, était une banlieue résidentielle, et donc la réalité des choses a été totalement différente. Je crois que qu'est-ce qui choque beaucoup, en fait, et ça je l'ai découvert dans mes recherches, c'est que jusqu'au début des années 1960, le port de Montréal était ouvert, accessible. Hein? Et donc, pour des raisons de sécurité, on a fermé l'accès au port à partir de 1968 en construisant une grande clôture métallisée le long des installations portuaires qui ne sont ouvertes qu'une fois par année. Et ça, ça a constitué une forme de choc parce que tout à coup, c'était bloqué physiquement. Bon, on veut toujours s'immiscer ou trouver des interstices par lesquels traverser cette fameuse clôture, mais c'est vrai que ça a constitué, si on veut, un choc. Mais tout ça aussi, je dirais que c'est culturel en partie. À la fin du 19e siècle, il y a un petit parc comme ça dans l'est de Montréal, juste vis-à-vis du quai numéro 6 où on déchargeait les chargements de neige jusqu'à une certaine époque dans le fleuve. Okay? Mm-hmm. Il y a un beau petit parc là, qui est abandonné qui ne sert à rien, que peut-être que vous connaissez. Quand ce parc-là a été inauguré dans les années 1880, les édiles municipales et les journalistes célébraient en fait la verdure ainsi dans un espace de modernité parce qu'on avait le chemin de fer qui passait le long du parc qui donnait ensuite accès au fleuve avec les installations portuaires. Et c'était un peu le summum du progrès, c'est-à-dire à la fois un espace de loisirs et des installations industrielles qui fournissaient du travail, parce que les critères étaient ainsi à cette époque. Aujourd'hui, nos critères changent, mais les installations sont là. Et donc, on peut rêver de plages, mais peut-être que les rives de Montréal ne sont pas les meilleures pour les plages. Hein? D'ailleurs, il n'y a jamais eu de plage là où il y a les installations portuaires. Il y avait des berges boueuses, mais il n'y a jamais eu de plage à cet endroit-là. Et c'est là que le mythe entre en compte. Hein? Quand on dit on va se réapproprier les rives, il n'y en a jamais eu de rives. C'est-à-dire qu'il y a eu des rives, mais il n'y a pas nécessairement eu des plages. Voilà. Et de fait, c'est ce qui s'est produit, c'est que quand la fonction du port, la fonction économique du port a reculé, quand il y a eu une désindustrialisation, du chômage, etc., etc., on s'est mis à rêver à une époque dorée où les Montréalais auraient eu accès aux rives en tout temps et de façon tout à fait libre et ouverte. En fait, on s'est mis à imaginer un passé qui n'a jamais vraiment existait. Oui, il y a des Montréalais qui se jetaient dans l'eau. Peut-être vous avez déjà vu des photos anciennes où se baignaient les Montréalais lorsqu'ils se baignaient proche du centre-ville. Ben, ils plongeaient dans les eaux du canal de la Chine. Ils plongeaient au pied du pont Jacques-Cartier. Ils se baignaient dans ces eaux-là. Okay? Alors, notre vision d'un accès à la baignade est une vision d'un accès dans l'eau saine. Donc, c'est des images qu'on a construites d'une certaine réalité que l'on perçoit comme ayant été une période dorée parce que, de fait, dans les années 1930-1940, la baignade s'est popularisée. Hein? Il y a de plus en plus de gens qui se baignent, mais à un moment donné, il y a des inspecteurs qui passent et qui interdisent aux gens de se baigner dans l'eau parce que c'est dangereux, parce que l'eau est impropre, etc., etc. Donc, cette pollution-là, dans le fond, elle existe depuis fort longtemps. C'est juste qu'on ne regardait pas l'eau avec une préoccupation de loisir. Hein? Durant une grande partie du 19e siècle, et on continue de le faire, notre regard sur l'eau était un regard orienté en fonction de préoccupations de santé publique. Et donc, on ne se souciait pas de la qualité de l'eau comme telle pour faire des usages récréatifs. À partir du moment où on développe les usages récréatifs, le regard qu'on porte sur l'eau se transforme et c'est là qu'on devient beaucoup plus soucieux de la pollution parce qu'on en subit les effets. Okay? Alors donc, ce que dit le livre aussi, c'est que le rapport avec l'eau et le regard, en fait, ce rapport avec l'eau se construit par le regard que l'on porte sur l'eau et les préoccupations qu'on a à l'égard de l'eau. Ça vous dit quelque chose? Comment voyez-vous votre rapport à l'eau? Comment est-ce que vous avez cette culture de l'eau que moi j'ai trouvée quand j'ai lu le livre, que j'avais sans le savoir en fait? Je pense qu'on est entré dans cette idéologie de la culture de l'eau parce qu'on est des gens qui s'intéressons aux idées, que les idées écologistes nous ont intéressés. Et l'assainissement, c'est la vertu, on ne peut pas être contre la vertu. Et on a adopté cette culture de l'eau-là sans savoir exactement ce qu'on adoptait finalement. Et on adoptait une vision étroite, unilatérale, sans penser, et pourtant on a lu des choses sur les marais qu'on asséchait, on est adepte du World Wide Fund, je veux dire, on est des gens qui s'intéressent aux choses des marais, de l'eau, il ne faut pas assécher, etc. Donc on a vaguement dans notre tête des enjeux qui sont écologiques et qui ont un rapport avec nous et l'eau. Mais on s'est fait un peu piéger par l'idéologie de la culture de l'eau, un peu à notre insu, finalement. Parce que c'est comme ça que le débat est posé. Oui, à notre insu, mais parce que ça, peut-être aussi, c'est qu'on a tous un peu ce rêve de retrouver la nature perdue, hein, dans le monde urbain. On a tous cette idée de pouvoir renouer avec une eau qui était abondante, saine et donc accessible. Donc, cette idée de renouer avec une nature perdue dans une société post-industrielle, transformée, etc., etc. Mais c'est encore une fois penser à établir des relations dans le présent et dans le futur par rapport à des chimères, par rapport à un certain mythe d'une époque, d'une certaine façon qui n'a jamais existé, alors qu'en réalité, il faut prendre les choses là où elles sont. Hein? Il faut prendre donc nos cours d'eau dans les circonstances qui sont les leurs. On ne peut pas rétablir l'eau comme elle pouvait exister au 18e siècle. C'est impossible. On a creusé des chenaux, on a contribué à l'empiètement, on a créé des îles, même hein, quand on a fait Expo 67, on a empiété en construisant nos autoroutes. Ces choses-là sont là. Et donc l'idée, c'est de se dire, à partir de ce qu'on connaît, à partir des circonstances qui sont les nôtres, ben, quel genre de rapport avec l'eau on peut vivre et on peut développer, plutôt que de penser des rapports qui ne peuvent pas exister, parce que l'eau dont on rêve, elle n'est plus là. Cette eau-là s'est transformée. Et donc, l'idée, c'est de construire par rapport à ce qu'on est, et encore une fois, de penser l'eau avec les humains, et non l'eau, ou non les humains contre l'eau. Parce que cette relation-là, elle est de tout temps, elle a toujours existé, c'est juste que les moyens techniques se sont intensifiés et ont augmenté. Oui? C'est un point de vue très pragmatique qui est présenté. C'est bien, c'est encourageant par rapport à ce qu'on peut faire vraiment. La culture de l'eau, j'ai l'impression, entre moi, j'ai l'impression que c'est en sortant de Montréal, en allant ailleurs, dans d'autres pays, qu'on est revenu aussi avec une certaine conscience que des gens... J'ai l'impression, moi, quand je suis jeune, je vais me promener au port avec mon père. Je ne savais pas qu'on avait fermer l'interdiction. Mais j'ai pas l'impression qu'à Montréal, on a valorisé ce qui nous appartenait. Il a fallu sortir de Montréal, puis regarder ailleurs comment on avait pu faire profiter une population de ces rives. Puis là, tu penses à quoi? Quel pays qui pourrait avoir inspiré? Le premier que j'ai visité à 20 ans, c'est la France. Mais c'est un choc à ce moment-là, parce que tu arrives dans un pays où chaque ville est chaque village presque est construite en fonction d'un cours d'eau. C'est l'histoire, ces villes-là existent avant l'industrialisation, je comprends tout ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'à Montréal, ça nous a pris beaucoup de temps avant de réaliser où on était situé, comment c'était magnifique, qu'est-ce qu'on avait. Et c'est vrai qu'on a une tristesse à savoir, mais moi je reste à Longueuil, mais comment ça se fait qu'on a construit une autoroute là? On étudie l'histoire, on sait bien que c'est des batailles de mer, c'est des batailles économiques, et là il y a des gens qui ont, comme ça s'est passé au Vic par exemple, on a toujours les batailles économiques. Mais moi j'ai l'impression que ça a pris du temps aux Montréalais de valoriser là où ils étaient. Moi il a fallu que j'en sorte pour que je réalise comment on mettait ça peu en valeur. Par rapport au point de vue, l'enchantement, l'autre point de vue, est-ce qu'il n'y aurait pas présentement un risque de commercialisation? L'eau va devenir l'enjeu principal des batailles dans différents domaines, partout dans le monde. Le Québec est classé dans une... c'est notre pétrole à nous. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on... C'est ça. Je ne sais pas si dans le livre on en parle, mais ça, c'est pas le caractère enchanteur de nos belles rives non polluées. C'est comment on peut faire du fric avec cet argent, avec cette eau-là, et qui va le faire, l'argent? Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé dans le livre? Donc, attends, on va résumer deux volets. Oui, le premier volet, est-ce que... Puis les gens, vous êtes... C'est une causerie, Vous pouvez réagir à ce que Muriel vient de dire. Est-ce que vous avez pris conscience de la valeur ou on n'a pas mis en valeur notre côté insulaire et nos rives et notre fleuve? C'est en allant ailleurs qu'on a vu ce qu'on avait. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, moi, je pense que je suis plus ou moins d'accord avec ça. Au contraire, on a drôlement valorisé l'eau à Montréal, mais pas dans les finalités que vous soulevez. Okay? On a drôlement valorisé l'eau. On s'est fait une gloire d'avoir une eau abondante grâce au fleuve de Montréal. Montréal a bâti aussi son économie sur l'abondance de son eau, sur le pouvoir de l'eau. Le berceau de l'industrialisation du Canada, c'est autour du canal de la Chine. On a attiré des industries, on a créé des milliers d'emplois grâce à l'eau. C'est parce qu'on veut transformer ou on veut développer des nouveaux rapports avec l'eau qu'on a cette vision-là des choses. Mais l'eau a été valorisée de façon extraordinaire à des fins économiques, c'est vrai. À des fins de santé publique aussi, c'est vrai. Juste un petit exemple rapidement. Lorsqu'il y avait ce que j'appelle dans mon livre la crise de la pollution dans les années 70, la ville de Montréal va lancer son plan de développement d'une nouvelle usine de traitement des eaux, l'usine des Baillets, pour venir en renfort de l'usine Atwater, et va dire qu'on va dépasser la nature, on est capable de fournir encore plus d'eau aux Montréalais. On valorise l'eau ici, mais dans sa consommation, j'en conviens. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas valorisé l'eau. Okay? Ce qui va changer, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a cette désindustrialisation, ce chômage, on a d'autres types de demandes. On veut redéfinir ce rapport avec l'eau. C'est vrai. Okay? Et c'est grâce à des pressions populaires qu'il y a des fenêtres sur le fleuve qui s'ouvrent. Mais les autorités publiques vont aussi saisir l'atout économique que représente le fait de restaurer les berges du canal de la Chine, de faire une piste cyclable. Enfin, c'est des éléments de promotion touristique qui sont là. Pour ce qui est de la commercialisation de l'eau, c'est vrai que ce n'est pas un aspect que j'aborde spécifiquement dans mon livre, mais je pourrais quand même dire que la meilleure façon de contrer la commercialisation, c'est d'apprécier le service public que représente l'eau et l'accès à l'eau. Comment l'apprécier? Ben, en buvant de la bonne eau de Montréal. Au lieu de... Alors que nous buvons, Michel. Oui, c'est l'eau qu'on va faire. Alors, monsieur, venez au micro pour qu'on puisse vous entendre. Vous allez m'entendre assez. Mais je peux résumer aussi vos propos aussi. Je m'appelle Azize, et puis je voudrais réagir, puisque... Voilà, une causerie. Par rapport à cette dame qui disait que en France, on avait peut-être un rapport différent avec l'eau, mais j'ai connu la France, et en France, toutes les rivières, tous les lacs, partout, tout est pollué. Et c'est pas mieux qu'ici. Et par contre, personnellement, je ne me retrouve pas dans l'exposé de cette culture de l'eau que vous faites, dans le sens que vous avez une présentation assez commerciale de cette culture. Comme moi, je suis venu ici au Canada, alors que je n'étais pas résident, je me suis promené un petit peu, et j'ai trouvé qu'il y avait des endroits extraordinaires où l'eau était accessible. Par exemple, j'ai trouvé un endroit où on a acheté une maison, et puis on n'était pas résident, mais on l'a quand même acheté tellement qu'on était émerveillé par l'endroit. C'était Pointe-Calumet. Et Pointe-Calumet, il y avait des lacs là-bas. Oui. Il y avait des lacs, et tous les matins, j'y allais, je me promenais, et je me baignais, et l'eau était belle, etc. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que il y a quelque chose dans votre exposé où vous ne touchez pas à l'essentiel. C'est-à-dire que l'eau, c'est d'abord la ressource la plus importante qui est. Mais pas simplement du point de vue technologique ou industriel ou commercial, etc. Ou pragmatique. Pragmatique. Mm-hmm. L'eau, c'est quelque chose de... C'est essentiel et c'est merveilleux. Il y a toutes sortes d'eau. Mm-hmm. Il y a des eaux qui ont... Et également, par exemple, se baigner dans une rivière ou se baigner dans un lac, c'est pas la même chose pour le corps. C'est pas la même chose pour l'organisme. Il y a des eaux... Par exemple, je reviens de la forêt noire, d'Alsace, Lorraine, oui. L'eau là-bas, quand on la boit, c'est extraordinaire. On la boit et puis c'est merveilleux. On sent, par exemple, quand on va en Asie, on va appeler, par exemple, des eaux, on va les appeler des eaux plates, sweet water, c'est des eaux qui sont plus ou moins sucrées, c'est des eaux qui ont des effets différents sur la santé. Hein, si vous achetez du Perrier, si vous achetez. Il y a toutes sortes d'eau. Et ici, par exemple, à Montréal, puisqu'on parle de Montréal, je trouve qu'on n'a pas pris conscience de cette importance qu'est l'eau par rapport à l'eau du point de vue biologique. C'est-à-dire, vous parliez de vivant, l'eau est vivante. Oui, oui. Mais vous parlez quand l'eau est vivante, on dirait que l'eau est vivante, mais vous ne définissez pas comment l'eau est vivante et tout. Merci. Mais ce que je comprends, Michel, j'aimerais ça que tu réagisses, c'est, on n'a pas parlé de la qualité. C'est les qualités de l'eau. Alors l'eau, oui, l'eau plus douce, l'eau plus salée, l'eau plus... etc. On est dans l'eau dans un contexte urbain. C'est l'eau à Montréal. Mais il faut savoir qu'il y a une réponse à cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réalise, dans les années 1880, que le problème avec l'eau que les gens boivent est lié à des substances, des germes, des substances invisibles, où on découvre l'univers des bactéries, on va transformer effectivement la compréhension de l'eau. L'eau va être définie en fonction de son critère de potabilité, en fonction de son innocuité. Et c'est vrai qu'on va marchandiser l'eau, on va l'essentialiser. Une eau pure, une eau saine, c'est une eau qui n'est pas dangereuse pour la santé. Alors on va commencer à se désintéresser de la source d'où provient l'eau. Ce qui compte, c'est la qualité de l'eau qu'on va boire. D'un point de vue hygiénique. D'un point de vue hygiénique, exactement. Donc le regard qu'on va porter sur l'eau, justement, fait en sorte qu'on va éliminer toutes sortes de considérations parce que le problème, c'est un problème de santé publique. Et c'est vrai que ça transforme l'eau. Et c'est vrai qu'on ne qualifie plus l'eau de la même façon lorsqu'on parle de l'eau dans un rapport à la société et dans un rapport urbain. Okay. Alors, sinon, bien sûr que les cours d'eau, la qualité de l'eau d'un lac, d'une rivière, c'est différent. Mais dans un contexte urbain, on n'a pas beaucoup l'occasion de pouvoir profiter de l'eau du lac. Mais votre remarque à l'effet qu'il y a des possibilités de contact avec l'eau ou d'activité avec l'eau à Montréal est juste. Bon, vous avez parlé de Pointe-Calumet qui est dans la région, mais même le long des rives, il y a plein de pêcheurs qui pêchent dans les eaux de Montréal et il s'agit de se promener pour les voir. Excusez-moi. Oui, mais laissez, il y a quelqu'un derrière vous. Je voulais juste rajouter, dire que ce que j'essaie de souligner, c'est la conscientisation de l'importance de l'eau qu'on ne retrouve pas parmi le peuple. Voilà, la question est lancée et comme on demande aussi la contribution des gens, je reçois votre intervention comme vous appelez à une conscientisation de l'eau. Voilà. Monsieur, qui voulait parler? Oui. Donc d'abord, je suis venu pour entendre ma collègue, qu'on travaille au même département. Et l'été dernier, je visitais un musée de l'eau dans ma ville natale, qui s'appelle aussi Venise du Nord, à Saint-Pétersbourg, et où la ville, effectivement, fait face à l'eau. Mais je crois, justement, s'il y a deux questions que je voudrais poser, c'est une histoire environnementale, mais est-ce qu'il y a une dimension politique? Parce que ce qui a permis Saint-Pétersbourg de faire face à l'eau, c'est un régime autocratique qui ne s'occupait pas de négociations entre municipalités. Et deuxième chose, Pierre Legrand ne s'intéressait pas du tout à cela. Et deuxième question, l'eau, surtout dans l'histoire de Saint-Pétersbourg, fait l'objet d'une mystique littéraire, poétique. Il y a des poèmes anciens qui sont consacrés à l'eau à Saint-Pétersbourg, et aussi la menace des inondations qui est toujours présente. Est-ce que Montréal a aussi ce côté-là, un côté poétique, littéraire, qui lie la ville avec l'eau? On en demande beaucoup à une historienne, là. OK. Est-ce qu'elle a une réponse, notre historienne? Oui, je dirais, j'ai une citation. Mais c'est vrai que je n'ai pas examiné le côté littéraire. J'aurais rêvé, disons, d'émailler mon livre de citations comme ça, de références à l'eau. Mais quand même, le livre commence par une exergue qui nous vient d'un de nos grands écrivains, Régent Ducharme, et qui traduit assez bien l'esprit de mon livre. Alors je le cite. « Où est le Saint-Laurent, mon fleuve? Il est là. On ne l'entend pas. Il est comme le cheval qui attend dans l'écurie. On ne le voit pas. Mais je sens qu'il est là, qu'il coule en faisant semblant de ne pas couler, qu'il embrasse la ville. » Régent Ducharme. Alors, Régent Ducharme, dans Le Néquivoque en 1967. C'était mon instant de littéraire. Voilà. Il y a d'autres références, mais enfin, c'est quelque chose que j'avais en projet et que je développerai peut-être plus tard. Mais ce qu'on sent ici, Michel, c'est que au-delà de l'aspect très utilitaire de l'eau, et notre rapport essentiel de survie, il y a une dimension symbolique qui semble être nécessaire et qui semble être un désir aussi grand que le désir utilitaire, que le besoin qu'on a de l'eau. Oui, ben écoutez, le livre est une invitation à poursuivre, dans le fond. Hein. C'est comme une sorte de regard que je propose sur la situation montréalaise et d'éclairer, dans le fond, l'histoire de Montréal à travers ses rapports avec l'eau, ce qui n'avait jamais été fait de façon aussi globale. Et donc, il est à espérer que c'est le début, dans le fond, d'un regard qu'on jette sur Montréal plutôt qu'une fin. Mais je répondrai quand même sur la dimension politique parce qu'elle est intéressante, parce qu'en réalité, il y a toutes sortes de fonctions de l'eau. On a parlé suffisamment du port, mais il faut comprendre que, dans le fond, la municipalité, l'administration municipale va se développer avec le service de l'eau. Hein, vraiment à l'origine de l'installation de pouvoirs politiques locaux de façon permanente à Montréal dans les années 1840, il y a le projet de développer l'accès à l'eau et dans une optique, dans le fond, de rendre accessible l'eau à des fonctions économiques, à des fonctions aussi de protection des incendies et de consommation de l'eau, de nettoyage de la ville. Donc, c'est au niveau municipal que la distribution de l'eau se développe et donc la municipalité prend appui sur le développement du réseau, va d'ailleurs développer son expertise sur la gestion du territoire, sa capacité aussi à collecter des impôts fonciers autour de la question de l'eau. Alors, ce n'est pas du tout dans un régime autoritaire en ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Après, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Un commentaire? Un commentaire suivi d'une question. Je vous apprendrai un lien, Mme Dagenais, en vous disant que ce que vous décrivez sur le cas montréalais peut être sur certains aspects spécifiques, mais qu'à l'échelle québécoise, voire occidentale, les rapports à l'eau sont souvent tout aussi utilitaires et conflictuels. Je pensais en vous écoutant au cas de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où est-ce que le développement industriel et économique s'est fait autour de la ressource hydrique, oui. Que ce soit les pâtes et papiers, c'est essentiel au transport du bois, à la transformation du bois en papier, et aussi en termes d'énergie pour l'industrie de l'aluminium, c'est donc central dans l'économie de beaucoup d'autres lieux que Montréal. Donc, je voulais donc enchaîner sur une question par rapport à d'autres projets et d'autres implications qui dépassent la région montréalaise, qui concernent toujours les rapports à l'eau. Savoir s'il y a d'autres projets en gestation. Oui, oui, absolument. Je pense qu'il y a le Saint-Laurent qui nous attend d'une certaine manière, parce que ce Saint-Laurent, Monsieur Rapkin est parti, mais le Saint-Laurent a donné lieu à plein de poésie, n'est-ce pas, à plein de représentations, mais beaucoup moins à des travaux historiques. Donc, je pense qu'il y aurait là un gros chantier sur lequel j'aimerais travailler. Quels aspects exactement, je ne sais pas, mais peut-être que je pourrais aussi aller du côté plus poétique de la chose. Je vais y réfléchir, mais de fait, je pense qu'il y a une historicisation à faire du rapport de la population québécoise avec le Saint-Laurent. On a travaillé des petits bouts ici et là, mais il n'y a pas vraiment encore de grandes études qui nous permettraient de saisir ce gros morceau de l'histoire de l'organisation du territoire, mais de l'histoire aussi des facettes sociale, culturelle et récréative qui est liée au Saint-Laurent, qui est au cœur des débats sur l'eau au Québec, très certainement. Monsieur. Paul Descaries. J'habite sur près du canal de Chine. Mon rapport à l'eau, mon accès à l'eau, ma relation à l'eau est beaucoup plus intense le long du canal de Chine, le long du canal Ping, près du port, dans le port, que sur les berges du Saint-Laurent. Quand je vais sur l'île Sainte-Hélène, je vois, j'essaie de descendre en bas, c'est de la rocaille, il porte beaucoup, il n'y a pas d'accès. En France, à Paris, c'est à côté de Gréa, c'est le marché de la quai. On a un accès, on ne se baigne pas. C'est ça que je veux dire. L'accès à l'eau, il faut que ça soit. Il faut dire que le fleuve aussi est immense. Hein? Il y a beaucoup de courant fort. Alors, moi, pour moi, un accès à l'eau, c'est une. Être à côté de l'eau, mais sans nécessairement l'utiliser pour se baigner ou autre chose. Si je veux me baigner, je vais aller ailleurs. On peut avoir un accès contemplatif à l'eau sans vouloir avoir un accès pour s'en servir. C'est exactement, parce que les gens qui se promènent le long du canal de Chine, ils sont bien parce qu'ils voient de l'eau. C'est vrai. De l'air, ça circule. Mm-hmm. Mais sur le bord de l'île Sainte-Hélène, je ne vois pas l'intérêt d'aller là. Vraiment pas, parce que je n'ai pas l'accès. Je vois pas, mais je vois l'eau, mais est tellement loin, est tellement violente, de certaine façon, que c'est pas réel. Je préfère être sur le canal de la Chine. C'est tellement plus sympathique. Il y a du monde, c'est vivant. Oui. Mais sur le bord du Saint-Laurent, c'est pas vivant, il n'y a rien. Et à ce compte-là, Michel, on n'a pas besoin d'avoir un discours de réappropriation ou de retour vers un passé idyllique pour avoir un besoin d'accès au rivage. Absolument. De toute façon, je pense que ça vient de là aussi, ce désir de faire le livre et le travail que j'ai consacré à cette question-là. Mais l'intervention de monsieur est intéressante parce qu'en réalité, ce qu'il nous dit, c'est que la façon de communiquer ou de connecter avec l'eau est différente selon les expériences que l'on en fait. et les expériences qu'on cherche aussi à développer. Je pense qu'une des grandes découvertes que moi-même j'ai faites, qui est liée en partie au livre, c'est de me promener justement à Montréal le long des rives, d'aller voir les fougueux rapides de la Chine à Ville-la-Salle. Êtes-vous déjà allé dans le parc des rapides? C'est extraordinaire, à la fonte des neiges. Donc l'eau, elle est là aussi. Donc elle se présente sous différentes formes, mais selon différentes expériences. Êtes-vous allé voir les pêcheurs d'Alloz en aval du barrage électrique sur la rivière des Prairies? Avez-vous vu les centaines de pêcheurs qui s'y retrouvent au mois de mai? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas fini. On peut continuer de développer des rapports avec l'eau, mais on est dans un contexte urbanisé, je crois, et ça, c'est important de le réaliser. C'est important de réaliser aussi que le long du Saint-Laurent, sur la rive montréalaise, c'est pas un fond sablonneux, c'est un fond rocailleux, boueux, et c'est ça les conditions naturelles si l'on veut. Et donc, si on veut développer cet accès à l'eau, c'est de tenir compte aussi des circonstances particulières. Et de fait, devant Montréal, on a des grosses installations portuaires, on voit vraiment pas grand-chose, je suis d'accord avec vous, sans compter les jetées qui ont été construites pour protéger le port, c'est extraordinaire tous les travaux, mais c'est le patrimoine architecturel de Montréal. Hélas, le Saint-Laurent ne coule pas au milieu de la ville de Montréal. Monsieur. Oui, Alfred Duveux. Je suis venu pour deux raisons. La première, que je suis venu comme un évolu. Une ancienne diplômée du département où j'ai enseigné. Vous devez être fière d'elle. Malheureusement, je n'ai pas eu madame dans mes cours. Mais je suis... je me sens... pas responsable, pas du tout. Je me sens en collégialité avec ceux qui l'ont formé. Ma deuxième raison, plus sérieuse, pour venir poser la question... C'est, est-ce que dans votre livre, vous situez le Saint-Laurent dans son aspect continental? Le Saint-Laurent prend sa source dans les Grands Lacs. Déjà aujourd'hui, les autorités du port de Montréal s'inquiètent du fait qu'on a tendance à ne pas laisser passer suffisamment d'eau pour le Saint-Laurent à partir des Grands Lacs. Il y a aussi le fait qu'on s'inquiète beaucoup du comportement des Américains qui, par le lac Michigan, menacent constamment d'orienter l'eau des Grands Lacs vers l'intérieur des États-Unis. Avez-vous traité de cet aspect continental que révèle le Saint-Laurent? Oui, merci pour la question. Merci, M. Dubuc, qui est l'auteur d'un article sur les débuts de la navigation à vapeur à Montréal et qui nous a expliqué dans cet article qui m'a été utile pour mon livre comment, dans le fond, le fameux problème du courant Sainte-Marie a fini par être réglé grâce aux bateaux à vapeur. Pour revenir à votre question, oui, j'en traite particulièrement dans la période après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est là qu'on va entreprendre de très grands travaux de régularisation du débit des eaux du bassin du Saint-Laurent. Alors effectivement, on va construire un barrage pour produire de l'hydroélectricité tout proche du lac Ontario. Et donc, on va commencer à régulariser le débit de l'eau, d'abord à des fins de production hydroélectrique, et il y a une entente qui fait en sorte que le niveau des eaux à Montréal est effectivement établi non pas à Montréal mais bien en amont de Montréal, et ça c'est important à comprendre, et les journalistes ne nous l'expliquent pas toujours. Alors c'est là qu'on prend conscience des liens énormes, et qu'on ne peut pas traiter de Montréal uniquement de l'eau à Montréal ou du Saint-Laurent à Montréal. Donc je l'aborde pour passer un peu rapidement. Je l'aborde aussi lorsqu'il est question du problème des inondations, parce que dans les années 70, particulièrement en 74-76, on est dans un régime d'eau haute. Et donc, on a un problème majeur d'inondation qu'il faut apprendre à gérer. Donc, je reviens sur la régularisation du niveau des eaux à ce moment-là. Mais par le biais, encore une fois, comme je vous dis, des aménagements de l'après-guerre, de la voie maritime et des inondations. Mais on comprend aussi qu'il y a des enjeux politiques qui dépassent, évidemment, la montréalité. Monsieur, au fond, qui vouliez poser une question ou faire un commentaire? Bonjour. Mon nom est François Brûlé. Je dirige un projet qui s'appelle la Fondation internationale pour l'eau. Et moi, je veux célébrer la sortie d'un ouvrage comme le vôtre, parce que je pense que ça ouvre les consciences, justement. On parlait de l'importance d'élargir le message. Si on commence à s'intéresser à l'eau, au niveau individuel, je veux dire, c'est parce que souvent, on risque peut-être d'en manquer. On est tellement riche au niveau de l'eau par rapport à toutes les autres places dans le monde que ça commence à devenir intéressant pour nous en se disant, est-ce que je vais pouvoir continuer mon utilisation de l'eau? Par rapport aux Européens, ici on utilise 3 fois plus d'eau à Montréal qu'un Européen moyen. Alors c'est d'un côté extraordinaire et d'autre côté, est-ce que c'est sustainable? Est-ce qu'on peut continuer à faire ça? Alors souvent la réaction d'un individu, c'est justement, c'est réactif. C'est pas parce qu'on a vraiment réfléchi à l'eau. Et là, tout d'un coup, on tombe dans une situation où on se dit, mon Dieu, les autres ont des problèmes, nous, on a de la pollution, il faudrait que je commence à réfléchir. Et là, on a peu de repères pour dire, bon, où est-ce que je vais ancrer ma réflexion? Et l'important, c'est donc justement d'avoir des balises et quelque chose qui ramène le problème de l'eau à Montréal. C'est très intéressant parce que, bon, il y a le côté historique et il y a le côté de se dire, ben, c'est quelque chose qui me touche. C'est quelque chose. Et à partir de là, je pense qu'on peut dire, ai-je un engagement vers l'eau? Et si on arrive à avoir cet engagement, si c'est quelque chose qui nous intéresse, eh bien là, on peut commencer à regarder les multiples avenues. Et je suis très intéressé parce que vous avez à dire que ça n'est pas juste un problème de pollution, c'est pas juste un problème d'utilisation. Voilà. C'est justement, c'est quelque chose de très vaste. Et à partir du moment où on s'engage envers l'eau, là, on est capable de s'ouvrir aux différentes avenues et de les prendre en compte parce qu'elles sont toutes importantes. C'est un petit peu comme la santé. En général, quand on a la santé, et c'est simplement au moment où ça nous manque qu'on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Alors, c'est sûr qu'on va regarder l'alimentation, l'exercice physique, et tout ça, parce qu'il y a de multiples facettes. Et je vous remercie beaucoup de montrer ça dans votre livre. Ça va être un outil de développement de la conscience de l'eau. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre commentaire. Je voudrais juste relever, en fait, appuyer un peu dans le sens du propos qui vient d'être entendu, à savoir, bon, vous avez dit on est réactif, mais vous avez dit aussi, dans le fond, on aménage les choses en fonction des enjeux de l'heure. Ben, c'est un peu ça aussi le projet du livre, c'est de comprendre que à différentes époques, les aménagements qui ont été adoptés, c'était en fonction des questions de l'heure à ces époques-là, OK? Et qui semblaient être les priorités du moment. Mais ces priorités sont jamais définies dans l'absolu. Hein? Derrière l'eau, il y a toujours des rapports de pouvoir. Il y a toujours des gagnants, il y a toujours des perdants. Donc, la défense de l'eau, et là, c'est une idée qui me revient ainsi, dans le fond, la défense de l'eau, c'est jamais la défense de l'eau pour l'eau. C'est toujours la défense de projets en relation avec l'eau. Et ça, je pense que c'est aussi un des éléments qui structure mon livre dans son ensemble. Madame. Bonjour. C'est Dominique Deslandes du département d'histoire. Donc, je suis venue pour saluer ma collègue, mais aussi parce que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Moi, je vais raconter une petite histoire et je souligner 2 choses. Comme tout le monde, je prends ma bicyclette, je suis le long du canal de la Chine, par René-Lévesque. Et là, on aboutit au bout, là. C'est merveilleux, on est face à l'eau. Là, c'est l'été, il fait chaud. Là, j'ai un petit peu un petit monsieur à côté de moi qui sort de sa bicyclette et qui plonge dans l'eau. devant moi, là où il est écrit « Interdiction de nager ». Et là, mon Dieu, que je l'envie. Je l'envie énormément. Mais là, je me dis, mais nager là, ouh! Puis il fait ses longueurs. Puis pendant un bon 20 minutes, là, il fait ses longueurs comme ça. Et là, ma compagne qui est bicyclette me dit, oui, mon père me racontait que lui, dans les années 40, il venait se baigner. Il allait se baigner, là, comme ça, là, sur le long du fleuve. Et il a aussi attrapé la typhoïde. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on attrapait souvent. Et ce que je trouve très bien avec ton livre, Michel, c'est que tu fais l'histoire. L'histoire des relations que nous avons eues dans notre passé lointain. Là, ça commence aux émerveillements de Paul le Jeune, le jésuite, devant cet immense fleuve Saint-Laurent. On a une très, très belle littérature de l'eau ici, depuis la Nouvelle-France. Mais une histoire de relations à l'eau qui vont changer beaucoup. Et ça vraiment pas toujours été la même. D'abord, on se méfie énormément de l'eau. L'eau est dangereuse, pas seulement parce qu'il y a des rapides, mais parce qu'elle est dangereuse à boire. L'eau, là, j'ai une tante qui boit encore ça d'eau, même si elle est à Paris, l'eau la plus surveillée du monde. Elle boit ça d'eau parce qu'il y a cette vieille méfiance que l'eau est dangereuse. Donc, on boit du vin, on boit du thé, on boit autre chose, mais pas de l'eau. On se baigne peu, au 17e siècle, c'est pas ça. L'eau, on s'en sert, mais on s'en méfie. Et puis en plus de ça, on ne sait même pas nager. La plupart du temps, quand on est un Français, là, on ne sait pas nager non plus. Ça fait qu'on ne va pas aller à l'eau. Et ce qui est bien avec ton livre, c'est que tu nous montres, avec d'ailleurs l'évolution de l'histoire des loisirs, en fait, de ces loisirs et de la découverte qu'effectivement, on peut faire autre chose que simplement utiliser l'eau, mais peut-être plus nager dedans, etc. Et bien ça va changer. Et c'est pour ça que c'est important de garder en tête que nous venons de loin, en fait, dans nos relations à l'eau. Et ça m'amène, alors ma réaction, c'est, face au petit monsieur qui nageait, là, je l'enviais, là, mais comme jamais, un, j'avais pas mon maillot, mais deux, parce qu'il avait le courage d'aller affronter cette eau qui m'apparaît, à cause des États-Unis, puis là on retrouve M. Dubuc, moi j'avais le lac Michigan en tête, hyper pollué, qui nous jette toutes ces eaux dégueulasses. Et plus, on a le canal de la Chine, dans lequel, si on tombe, on va se dissoudre. À cause... Non, mais c'est vrai, le fond du canal est tellement pollué là, que c'est dangereux, même. Par Canada pensait mettre une sorte de fond, une toile de fond, hein, pour rendre ça possible. C'est un gros, gros problème environnemental que nous avons là. Alors, comment régler ça, là? Je veux dire, c'est un problème international, parce que tant qu'eux autres, là-haut, nous embarquent pas dans notre dépollution... Moi, je ne vais pas aller me baigner là. Pourtant, j'en ai envie. C'est ça le problème. Voilà. Fallait au Cap Saint-Jacques. Ben même là, c'est pas... Oh, mais moi, j'y vais me baigner là. Il n'y a aucun problème. Hein. Il y a un service qui s'appelle Suivi de l'eau, là, mais j'ai l'air de... Je ne suis vraiment pas une ambassadrice là, pour l'administration municipale, mais il y a un site web qui nous dit là où l'eau est dangereuse, là où on peut se baigner durant tout l'été maintenant.